se souvient du jour où nous étions réellement beaux. Habile et sensible, rapide et soyeux, plus pur que l'eau. Avec le temps, comme tout le monde, moi j'ai tout oublié. Nos vies d'avant ne m'ont rien enseigné que des regrets. Faisait nuit, certes on avait froid, certes on n'avait ni patrie, ni morale, ni loi, mais nous étions égaux, libres sans le savoir, épurés de tous les défauts, de la haine jusqu'au désespoir. Oh, oh, irons-nous demain, vivrons pour rien. par la mat qui tenta jalouse de l'imiter. À cet instant, le ciel a basculé, puis déréglé. Le chant du monde qui ne s'est pas arrêté, mais s'est enrayé. Certes il faisait jour, certes on avait chaud, certes on découvrit l'amour, l'art et les idéaux. Nous gagnons l'ego, les chaînes et le pouvoir, collectionnant les défauts, de la haine jusqu'au désespoir. Oh.